Agée, petit prophète, fait partie des petits prophètes. Tu as les grands prophètes, tu as les petits prophètes dans la Bible. Les petits prophètes, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas importants, c'est parce qu'ils ont écrit des petits livres. Les grands prophètes, mais tu as Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, ça c'est les grands prophètes. Là. Puis là, tu fais partie des petits prophètes. Et ce petit prophète-là est venu s'adresser au peuple de Dieu. Donc, pour qu'il puisse parler au peuple de Dieu, premièrement, il faut qu'il se passe de quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avant qu'il puisse parler au peuple de Dieu? Il faut que Dieu lui parle à lui. OK? Il parle à lui. Puis, je suis pas mal sûr que s'il n'avait pas cru ce que Dieu a dit, il ne serait pas rendu au peuple de Dieu. Dieu aurait intervenu. Avez-vous l'exemple d'un prophète qui a fait ça? Jonas, pas convaincu pantoute de ce que Dieu avait dit, il était obligé de faire un petit tour dans la mer, faire un petit tour en bateau, en poisson, ouais. Pour finalement aller faire ce que Dieu avait dit. Donc, le prophète recevait la parole de Dieu. Jérémie dit « Je la mangeais », lui, il la recevait pour lui-même, et il la croyait, il en était convaincu. Et après ça, Dieu a dit « Va vers le prophète, va vers le peuple ». Et adresse-toi à Zorobabel, Jotsadak, je pense si on le prononce bien, et dis-lui qu'est-ce que je veux d'eux autres. Le prophète, c'est une personne qui se tient entre Dieu et les hommes. Donc, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que Jésus est appelé le prophète, le plus grand prophète. Donc, c'est tenu entre Dieu et les hommes, il a parlé aux hommes. La semaine passée, on a vu ça, et Dieu a envoyé Agée, à un moment très précis dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple de Dieu. Vous marquerez ça. Si vous voulez bien comprendre les prophètes, vous devez, autant que possible, trouver l'occasion ou la période de l'histoire où est-ce qu'ils ont parlé. À qui ils parlaient? Moi, ça m'a fait bien des fois, quand je lisais, mettons, Isaïe ou Jérémie, j'essayais de le prendre et de l'emmener dans l'histoire des rois, parce qu'il y a eu des rois. Puis là, je comprends pourquoi il a dit cela. Le roi était idolâtre par sa tête, puis il faisait des cibles, faisait des... Ah, ouais, là, je comprends mieux là, ce qu'il est en train de dire. Parce que quand tu lis tout ça, tu dis, mais qu'est-ce que ça vient faire? C'est quoi cette histoire? Et des fois, même, on trouve que Dieu peut être sévère. Mais pourtant, quand je comprends tout le contexte dans lequel il vivait, on comprend mieux pourquoi Dieu disait ça. Et Dieu l'a envoyé parler au peuple d'Israël. Et on a vu la semaine passée qu'il faut être heureux, il faut être content que Dieu est allé. Parce que les autres ne seraient pas allés. Les autres ne seraient pas allés vers Dieu. C'est Dieu qui est allé vers le peuple. Pour lui parler, pour lui dire quelque chose. Dieu, c'est une chose que j'espère que vous allez vous souvenir, c'est que Dieu est toujours l'initiateur de la relation. Ce n'est pas nous. C'est toujours lui qui est l'initiateur de la relation. Et c'est pour ça que j'avais déjà vécu ça dans une relation avec une autre personne. D'initier la relation, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Et des fois même, surtout quand ils nous ont fait du tort, c'est encore moins évident. C'est les deux, quand les deux se sont chicanés, qu'ils se virent le dos que les deux, puis ils attendent que l'autre fasse de quoi. Et là, je ne vais pas faire longtemps. Dans longtemps. Bien, Dieu, lui, il est l'initiateur parce qu'il est parfait. Et puis il a l'amour, la compassion, la miséricorde, le pardon. Et donc il vient tout de suite. Donc il voit un peuple qui est contre lui, qui ne fait pas ce qu'il a demandé, qui sont détournés de lui, ils se foutent de lui dans un certain sens. Dieu vient envoyer Agée pour leur parler. C'est lui, dans le fond, c'est lui qui vient là, à travers le prophète. Hein. Il a pris juste une forme humaine, si je pourrais dire comme ça. Et il vient leur parler du temple. C'est le temple qui est en question. Et quand vous lisez ça dans cette semaine, ne vous trompez pas. Le temple, c'est Dieu. Si tu rejetais le temple, tu rejetais Dieu. Le temple, c'est Dieu. On fait le même lien, on va voir, en s'en allant, on fait le même lien avec l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Tu ne peux pas faire autrement. C'est Dieu. L'Église, c'est Dieu. En guillemets, hein? C'est Dieu. C'est le corps de Christ. On n'est pas des dieux. Dites pas ce que je n'ai pas dit. Okay? Quand il parle de l'Église, il parle de lui. C'est son corps. Okay? C'est pas une entité à part. C'est, Nous, des fois, on veut ça à part. Il n'est pas à part, c'est nous. C'est nous. Donc, si l'Église drop dead demain matin, tout le monde, il y a plus, Jésus n'est plus là, là. Jésus est sur la terre présentement à travers son corps, qui est l'Église. Et donc, c'est dans ce sens-là que. Et Dieu, le peuple a détourné son regard du temple, puis on dit, ce n'est pas le temps de bâtir le temple. On a mis ça une procédure. Ce n'est pas le temps de bâtir le temple de Dieu. Et Dieu, il l'a pris personnel à Bébite. Ben Comme un rejet de lui. oui, ben oui, c'était ça. Il dit, tu es en train de me dire qu'il y a d'autres choses plus importantes que moi, là? Pas t'être occupé. Il y avait bien d'autres choses. On va voir à soir, c'était quoi leur occupation, là? Mais il y avait d'autres choses qui avaient pris la place, tout d'un coup, qui étaient devenues plus importantes que le temple qui était Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu, dans un sens, il y a des choses tangibles autour de nous. Parce que nous, on ne fonctionne pas dans le monde invisible. On a bien de la misère. On fonctionne dans le monde invisible. C'est pour ça que les chrétiens vont arrêter de faire les choses spirituelles avant d'arrêter de faire les choses matérielles ou terre à terre. Dans mon expérience, les chrétiens arrêtent toutes de prier avant d'arrêter de lire la Bible. C'est l'exception de la règle. Mais généralement, ils arrêtent de prier avant de lire la Bible. De lire la Bible. Parce que la Bible, il y a du tangible, il y a du papier, c'est plus facile à faire que dans le monde spirituel où ce que tu vois rien, tu ne vois pas personne. C'est pas, on dit que Dieu nous écoute, mais c'est dur pour nous autres. Je me souviens un parent qui m'avait dit que ses enfants disaient, ouais, mais Dieu, je ne le vois pas. Puis, il fallait, là, Dieu n'est pas coupable. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il m'entend? Je ne le vois pas. Petit gars. Son père, il dit, ben, OK, t'as un peu. Fait, il avait traversé, il avait rentré dans une pièce, puis il dit, mets-toi dans l'autre pièce. Puis là, il a parlé à travers le mur. Puis là, il a tourné, il dit, tu m'entendais-tu? Tu me parlais-tu? Il dit, oui. Mais tu me voyais-tu? Il dit, non. Il dit, c'est pareil. Tu le vois pas, mais il t'entend. Mais ça n'a pas fait ce qu'il pensait que ça ferait. Le petit gars, il a encore de la misère pareille, là. Puis, on n'est pas créé, nous, pour vivre dans un monde immatériel. On était créé pour vivre dans un monde matériel. C'est pour ça que quand vous voyez Dieu venir parler au peuple, il va toujours, en grande partie du temps, prendre une forme de nuage, de feu, d'ange. Il va prendre des formes. Là, il prend un prophète. Parce qu'il s'adresse à. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que Dieu n'évangélise pas avec des anges, plutôt qu'avec des humains. Pourquoi il ne fait pas autrement qu'avec des êtres humains si difficile des fois d'y aller avec? Parce qu'il dit on est visible, puis vu qu'on atteigne des visibles, des hommes. Donc, ils utilisent des gens que les gens vont comprendre pour le faire. Et donc, c'est dans ce sens-là. Quand j'étais jeune chrétien, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans des églises, le pasteur, il avait demandé l'ordre des priorités dans la vie d'un chrétien. Là, il mettait des mots, mettons sur un tableau. Il avait mis Dieu, la famille, le conjoint, les enfants, le travail, l'église, les inconvertis. Là, il disait, placez ça en ordre, selon vous autres. Qu'est-ce qui est le plus important? Chacun avait sa petite façon à lui de faire les choses. Chacun mettait ses petits-enfants. La plupart des chrétiens, par compréhension, ils mettaient tout Dieu en haut. Je n'ai pas vu qu'ils mettaient Dieu en bas comme ça. Tout Dieu. Mais après ça, les autres, par exemple, c'était pas pareil. Là, les autres, parce que ça mettait à jouer. Puis là, avec les années, je me suis aperçu que c'était pas. Correct de faire ça. C'est pas correct de demander à quelqu'un de mettre ça en ordre de priorité. C'était pas correct à ma tête. Je pense qu'on doit plutôt les mettre en rond. Et toutes ces choses-là forment un cercle. C'est plus comme ça. Et s'il y en a une qui n'est pas là, dans l'ensemble, le cercle est brisé. Ça fonctionne moins bien. Okay? Parce que il te manque un rayon à ta roue de bicycle. Il manque des rayons. Et donc, c'est plutôt un ensemble, il faut voir, plutôt que de voir. Hein. Et M. Ken Beach, lui, quand il avait fait sa roue, au centre de la roue, il n'avait pas mis Dieu. Au centre de la roue, il avait mis l'Église. Puis là, tous les chrétiens ont réagi. C'est quoi ça? C'est pas l'Église, les priorités, c'est Dieu. Et puis là, il nous a expliqué, lui, comment ça, il percevait ça comme ça. Et c'est dans ce sens qu'il dit, dans la vie, d'un enfant, mettons, la personne la plus importante, même si Dieu est le créateur de cet enfant-là, c'est la mère qui est au centre, ou le père, les parents. Et il disait que il n'y a pas d'église sans l'église. C'est l'église qui fait toutes ces choses-là. Et c'est à travers toute l'Église, c'est à travers l'Église que Dieu se révèle, c'est à travers l'Église que Dieu sauve, c'est à travers l'Église que Dieu enseigne. Donc, il mettait l'Église était au centre. Lui, il mettait ça comme ça, M. Kendrick. C'est Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu ne s'adresse pas à nous sans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais il a choisi que l'Église était le moyen par lequel il travaillait. C'est par l'Église que j'ai entendu l'Évangile. S'il n'y avait pas eu l'Évangile par l'Église, je ne serais pas sauvé, je ne ferais pas partie de l'Église. Parce que Dieu n'a pas choisi de venir dans ma vie tout seul et de dire je vais t'évangéliser tout seul. Puis là, tu vas te convertir sans. Non, il utilise toujours l'Église pour le faire. Mais ça, c'est juste un traité. Qui a fait le traité? L'Église. Donc, c'est toujours à travers l'Église que Dieu utilise pour fonctionner. Donc, on va revenir à ça. Puis la priorité, on est obligé de marquer, de dire c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose de. Comment je dirais ça? Qu'on peut séparer. C'est comme si tu prends une personne puis tu dis ma priorité c'est cette personne-là. Cette personne-là est pas en dehors de ce qu'elle vit, est pas en dehors de ce qu'elle est en train de vivre. On dit qu'il faut l'accepter comme elle est. Donc cette personne-là elle a un paquet d'affaires autour de elle. Comme aujourd'hui si quelqu'un marie une femme ou un homme, ils ont des enfants, il faut qu'ils embarquent dans l'affaire. Donc, il faut qu'ils embarquent avec. Il peut pas sortir ça et dire, ben là, ces enfants-là, c'est pas en moi, donc je vais fonctionner avec le gars, mais les enfants, c'est pas en moi. Tu vas perdre le gars ou tu vas perdre la femme, ça sera pas long. Ça ne va pas marcher. Il faut que ça devienne, tiens, je la prends, je prends tout ce qu'elle a avec. Là, tu peux prendre son argent, ça en a, c'est content, mais si elle a des dettes, tu vas prendre les dettes avec. Parce que tu prends tout, tu peux pas la séparer. Et Dieu, c'est un peu pareil, comme je dirais. Dieu, c'est, tu peux pas le dire, Dieu, c'est le centre de ma vie, mais ce qui vient avec Dieu, je ne veux pas l'avoir. Je vais trop, ça. Je veux juste avoir Dieu dans ma vie. Mm. Pas tout à fait demain que ça marche. Mm. OK? Et là, on va voir ce soir là, que cette priorité-là qui avait été abandonnée par les Juifs, par le peuple de Dieu, Dieu, la semaine passée, leur a parlé puis leur a fait voir qu'il n'aimait pas ça. Puis là, il va les aider à réaliser ça. Il va les aider à voir que lui n'est plus la priorité dans ce sens-là. Mais avez-vous déjà remarqué dans la Bible, vous avez peut-être remarqué dans votre vie, qu'on a la capacité de se tromper soi-même. Êtes-vous assez bon menteur pour ça? On dit ça, il est assez bon menteur qui se croit. Et la Bible elle nous dit ça à plusieurs reprises. Hein. Elle nous dit ça à beaucoup de reprises que l'être humain se trompe lui-même, s'abuse lui-même. Le Galate dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Dans Jean, c'est marqué, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Les êtres humains, en général, se séduisent. Ils se croient meilleurs qu'ils sont. Je ne fais pas de mal à personne. Vous avez déjà entendu ça? Je ne fais pas de mal à personne, moi. Ils s'abusent, ils se séduisent, ils se trompent eux-mêmes. On s'en fait croire. On peut le dire comme on veut, mais c'est... On pense aussi, des fois, qu'en ne l'admettant pas, ou en ne le regardant pas, que ça n'existe pas. Mm-hmm. Puis souvent, dans les relations, on se fait jouer des tours, parce qu'on dit comme, ben, on n'est pas de même. Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est pécheur. On veut toujours dire... Mais la chair humaine ne peut pas faire d'autre chose que ça. Donc, elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est se tromper elle-même. Elle ne peut pas faire autrement. C'est ça. La chair est comme ça. Et dans les Écritures, si on avait le temps de poster tous les passages, on verrait des hommes, même des hommes comme David, qui prient, qui s'abusent lui-même. Il dit des choses dans ses prières, que ce n'est pas la réalité, mais il le dit comme il le vit. L'homme s'abuse lui-même. Comme quand il dit qu'il est pour pécheur, il fait tout. Il va dire, écoute la droiture de mon corps. Il parle comme si c'était un homme droit, qui n'a pas de problème. C'est pas une réalité. La Bible ne dit pas ça. Quand Dieu parle de Moïse, de David, il ne parle pas comme ça. Il dit c'est un homme selon mon cœur. Mais il ne dit pas que c'est un homme qui n'a pas de problème. Qui est droit, c'est pas possible. Non. Et on se lit, on se trompe soi-même quand on lit les Écritures. La Bible nous fait attention de ne pas vous séduire, vous autres, même en lisant les Écritures. Dans l'Évangile, c'est marqué, vous vous trompez vous-même. Et vous vous trompez, car vous m'envoyez, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel. Donc, ils se sont séduits eux-mêmes. Ils se sont dit, on veut connaître la volonté de Dieu. Il dit, vous vous trompez vous-même, c'est pas vrai. Vous m'avez envoyé un prophète pour me demander ce que je pensais, mais vous vous êtes abusé, vous vous trompez vous-même. Ce n'était pas la réalité. L'être humain se trompe. Jacques, qui parle aux croyants, en tout cas à l'église, au groupe qui écrit, dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, 22. Donc même le chrétien, il écoute la parole de Dieu, puis il va se tromper lui-même en faisant des faux raisonnements avec les Écritures. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que c'est comme ça. Chacun de nous, on peut se tromper soi-même. Et Dieu va dire à notre place, dans Malachie, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Donc, il disait qu'il faisait ce que Dieu voulait, mais Dieu dit, vous me trompez. Donc, l'être humain se trompe, s'abuse, est capable de se convaincre. Paul va dire aux Corinthiens qui sont dans toutes sortes de problèmes, il dit, ne vous trompez pas vous-même. Ceux qui commettent de telles choses ne les trompent pas du royaume de Dieu. Et tout au long des Écritures, Dieu répète à l'être humain non-croyant et à l'être humain croyant, attention de ne pas te tromper toi-même, attention de ne pas t'abuser toi-même, attention de ne pas te faire croire des choses qui ne sont pas la réalité. Parce que c'est notre tendance. On a été élevé comme ça. Humainement parlant, on a été élevé comme ça. À tromper et à se tromper. On trompait les autres par nos mensonges, notre hypocrisie, notre affaire. Puis on se trompait soi-même, à se regarder dans le miroir et on disait qu'on était correct. Donc on a vécu même une grande partie de notre vie. Et quand on devient croyant, notre chair qui est encore là a encore cette tendance-là. Et j'ai assisté à une place une fois. Non, c'était pas. C'est la semaine passée, j'étais au cours ici à l'école et on avait un cours de communication. Le professeur parlait de communication, tout ça. Puis là, tous les élèves, tout le monde participait, mais tout le monde n'avait pas de problème de communication. Tout le monde était correct. Alors, ils savaient tout communiquer. Mais ils parlaient des autres, ils ne savaient pas communiquer. Là, l'être humain s'abuse lui-même. S'abuse lui-même, se compte des mentries, puis il se croit. On voit toujours chez les autres, les failles, les autres. On ne veut pas y voir. On ne veut pas y voir. Fait qu'on y voit pas. Puis nous, on a le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu qui veut nous aider à les découvrir. Hein. On a Dieu qui nous envoie des prophètes pour nous aider à voir. C'est ça qu'il fait à cet assoir. Hein. Il est en train de parler au peuple, il dit, je vous envoie à agir, je vais essayer de vous aider à voir la réalité dans votre vie. Et si Dieu ne serait pas intervenu dans ma vie, je serais mort et je serais parti de ce monde croyant que je n'étais pas si pire que ça. Et je serais dire comme un enfant. Je me serais abusé jusqu'au bout. Parce que l'être humain n'est pas capable de faire autrement. Pas capable. Quand on se trompe devant Dieu, quand on se cache devant Dieu, qu'on s'abuse devant Dieu, il n'y a plus de limite, là, tu sais, il n'y a plus de limite. Hein. Parce que c'est le seul qui est là. Donc, regardons ensemble au verset 4. 4. Il dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Que cette maison est détruite. » Quand cette maison est maison, on parle du temple de Dieu. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup. » Et vous ne recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. J'en ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur leurs bêtes, et sur tout le travail des mains. Donc Dieu ici, qu'est-ce qu'il dit? À deux reprises, il dit quoi? Considérez, arrêtez-vous, pensez, réfléchissez. Il y a toutes sortes de façons de le dire dans différentes traductions. Puis là, le mot « attentivement ». Il y avait déjà un homme qui avait dit « Satan, s'il peut nous occuper assez pour pas qu'on ait le temps de penser, il a gagné. » Parce qu'on est tellement occupé qu'on n'a plus le temps de s'asseoir pour réfléchir. Il dit, quand on s'assied dans l'autobus, on fait autre chose que de réfléchir. Écoute la musique, on fait n'importe quoi d'autre, mais on ne veut pas s'arrêter. J'avais dit ça une fois à mon beau-frère, j'ai dit, assieds-toi dans le coin de la chambre à coucher chez vous, assieds-toi là, ferme la lumière, assieds-toi là pendant 5 minutes, puis pense à l'éternité, puis il dit, tu vas sortir de l'encrier. J'ai dit, arrête-toi, il faut juste penser, quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va arriver? Il faut juste penser 5 minutes. Il ne faut pas paniquer. Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Il ne veut pas s'arrêter. Fait qu'il s'occupe à toutes sortes d'affaires. On a-tu une société occupée? Je vous garantis qu'on a une société occupée. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter et de réfléchir sur notre vie. Qu'est-ce qui est la priorité de ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Et Dieu dit, prenez le temps de vous arrêter et de considérer. De considérer vraiment qu'est-ce qui se passe là, à l'entour de vous. Et il dit... Il dit, regardez dans votre vie, qu'est-ce qui est important. Puis il leur commence à leur parler, puis il leur dit, ce que lui voyait. Il dit, votre priorité, c'est quoi? Vos maisons, vos semences, votre nourriture, vos vêtements, votre travail et votre argent. Il dit, c'est ça qui est la priorité dans votre vie présentement. Je suis certain que si on avait un feedback du peuple, il y aurait un paquet de monde qui aurait été capable de justifier un paquet d'affaires dans leur vie. Dieu dit, non, je veux que vous considériez que c'est qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie. Puis on a de la misère à le faire. On a de la misère à s'arrêter pour dire. Puis des fois, c'est parce qu'on a quasiment peur de le faire, parce qu'on veut ce qu'on va découvrir. Ouais. Et la première fois que j'ai fait cet enseignement-là dans une autre église, j'avais dit aux gens de prendre une feuille et de diviser la semaine en carreaux, puis d'écrire dans les carreaux qu'est-ce qu'ils font. Puis il dit, quand vous allez additionner, vous allez découvrir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Le travail qui gagne l'argent, ça doit être ça qui est le plus en temps. Mais il me semble que c'est 40 heures sur 150, 160. Il me semble que c'est pas parce que c'est si important, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Oh oui. On n'a pas le choix à cause de ce qu'on veut, à cause de ce qu'on a besoin. C'est ça, des désirs de notre cœur, des obligations qu'on s'est données. J'ai plus le choix maintenant, j'ai 200 000 piastres de dette, il faut bien que je les paye, j'ai plus le choix. Mais pourquoi tu as fait des 200 000 piastres de dette? Okay? On a un désir à quelque part qui nous pousse à faire quelque chose. On n'est pas devenu obligé de faire 60 heures par semaine. Non, on s'est dit, je veux ça, ça me prend ça. Il faut que je travaille tant pour avoir ça. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Si je décide de m'acheter une maison de 200 000, bien, je dois soit assez intelligent pour calculer que ça va me prendre 50-60 heures par semaine pour la payer. Mais un coup, je l'ai acheté, j'ai plus le choix. Non, je dis ça, j'ai plus le choix. Mais non, tu t'es créé une obligation. Mais c'est toi qui vas décider comment est-ce que tu veux vivre. Tu peux vivre avec moins que toi. On peut vivre avec moins qu'on a. Si on est en aide, on peut vivre avec moins qu'on a. Ben, c'est sûr, parce que je me dis, en Afrique, il y en a qui le font. Puis, on pourrait par un moment forcé, par une je ne sais pas quoi, une catastrophe quelconque, on pourrait tomber avec moins et on vivrait pareil. Là. C'est que je ne crois pas que Dieu est contre ce qu'on possède. Et qu'on lui donne la priorité. Ça devient plus important que lui. Et vous allez voir ça dans les relations de famille, d'enfants, femmes, mari, conjoint. Quand un homme dit « Je fais ça pour toi, je travaille pour toi! » On dit « Ouais! » Il ne crée pas tout de suite, hein? « Ouais, mais les enfants, c'est pour vous autres que j'ai fait tout ça! » Les enfants disent « Ouais! » « Non, non, c'est pas pour nous autres. C'est pour toi que tu fais. C'est pour toi que tu le fais. Hein? C'est pas pour les enfants. Voyons donc. » Moi, je vous dis un petit secret. Si on ne le fait pas pour Dieu, on ne le fait pas pour personne d'autre. On le fait juste pour nous autres. Si on ne met pas Dieu en premier, on ne met pas nos enfants en premier. Ça, c'est pas vrai. C'est des menteries, ça. On s'abuse soi-même. Si on ne met pas Dieu en premier dans notre vie, toutes les autres personnes sont déclenchées à quelque part. C'est nous. C'est nous autres en premier. C'est nous. Donc, notre, et là, regarde, Dieu dit, vous pensez que c'est... Pensez que ça, du garde bien, considérez le résultat. Vous avez fait ça, voici ce que moi j'ai fait. J'ai fait tout pour que ça ne pousse pas. J'ai fait tout pour que ça, que vous avez essayé de vous faire de quoi? J'ai soufflé dessus, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ils n'avaient rien eu. J'ai rien fait. J'ai pas béni votre travail. On peut dire ça comme ça. Là. J'ai pas fait multiplier votre travail. Vous allez dire, mais François, il y a des ingénieurs qui sont riches. Là, nous autres, il faut le transmettre pour nous autres, là, maintenant, ici, dans notre côté, nous autres, de la croix. Là. L'être humain, vous savez, là, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Richard Toupin, il dit dans un de ses chants, il dit, c'est pas avoir du succès dans la vie qui est important, c'est que notre vie soit un succès. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de choses, hein, ils vont partir de ce monde. Mais vous savez qu'ils n'ont rien. Hein? On le sait, nous autres, ils ont échoué. Ils ont échoué, tout simplement échoué. Ils n'ont pas... Dieu a dit, tu n'as pas eu les bonnes priorités qui étaient à moi, donc j'ai soufflé sur ton travail et tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien. Il va te rester rien. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Quand Dieu dit... Pour vous montrer que j'étais... Parce que là, il faut se mettre dans le contexte de la Sainte Alliance. Dans la Sainte Alliance, Dieu avait dit quoi? Si tu me mets en premier, tes animaux vont se reproduire, tes champs vont pousser, tu ne seras pas malade, tu vas tuer tout le temps, tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Dieu a dit, c'est ça qui va arriver si tu es avec moi. Mais il dit, vous n'êtes pas assez faible pour garder que ça ne marche pas. Vous voyez bien que ça ne marche pas, là. Vous êtes en esclavage, on va vous envoyer à Babylone, vos champs ne poussent pas, il n'y a rien qui marche. Vous devriez comprendre. Mais l'être humain, dans ce fruit, il ne comprend pas. Il blâme. C'est la faute de ma main. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de la cause d'ozone. J'en viens toujours avec la même affaire. C'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça. On trouve des responsables. Si Dieu sera fin, on n'aura pas tant de souffrance. Puis si Dieu sera... Là, on blâme Dieu, finalement. Ben oui, on blâme Dieu. C'est pas nous autres. C'est jamais nous autres. C'est jamais nous autres. Écoutez, j'en parlais. Suivez-vous, quelque part... Considérons, assisons-nous quelque part là, puis écoutez 10 personnes qui parlent ensemble. Ils parlent toujours que les autres font quelque chose de pas correct. Puis moi, je suis avec eux autres des fois, puis je fais la même chose. C'est pas nous autres. Nous, on n'a pas un problème, nous autres. On s'abuse carrément en pensant que nous autres, on est corrects. Donc, Dieu dit, considérez bien, considérez. C'est quoi votre priorité? Votre priorité, c'est vous. Comme le temple, c'était Dieu, leur maison, c'est eux. C'est vous vous occupez de vous. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait, l'être humain? On allume nos petites chandelles, pour faire nos petites prières, puis on dit à Dieu, bénis donc ce qu'on fait, que ma maison soit un petit peu plus grosse. C'est ce qu'on fait, là, dans le fond, là. Seigneur, fais-moi ça, là, pour que je t'aille un petit peu mieux ici, là. Le jour, je parle, il y a un chrétien qui me dit qu'il achète des billets de loto, puis il dit, je prie que le Seigneur ne m'en donne pas, que je ne compte pas, parce que je ne sais pas ce que je vais faire si j'en ai. J'ai dit, quelle folie! Quelle folie! T'sais. Mais il ne réalise pas qui est fou! T'sais, le gars, là, il ne réalise pas ça, là! T'sais. J'ai dit, le sens, ça ne fait pas grand sens ce que tu dis là. Prends-en pas! Ouais. Mais dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il en veut, dans le fond. Mais il sait que ça va être dur de pouvoir rester les deux pieds en terre s'il gagne les 14 millions ou les 10 millions. Ça va être dur. Mais il n'est pas capable de s'empêcher d'en prendre parce qu'il y a un désir d'en vouloir. J'ai dit, c'est pas mal de prendre le billet, ça, c'est pas mal. C'est juste simplement pourquoi tu veux l'avoir. Si tu veux prendre 14 millions, puis Seigneur, je suis prêt à investir 10 piastres par semaine, puis si j'ai le 14 millions, je te le donne à toi, parce que c'est pour toi, je le prends. Il n'y a pas de problème avec ça, Seigneur. Tu ne veux pas dire que tu vas gagner plus. Mais il voit que ton cœur, c'est pour lui. Si tu es honnête, c'est pour lui. Donc, il connaît. Ça ne le dérange pas. Si on dit moitié-moitié. Ouais, je dis ça à un chrétien une fois. J'avais dit ça une fois à un chrétien. C'est payant, ça? Moi, je dirais ça à toutes les semaines, à moitié. À moitié de 100 000, c'est 50 000 par semaine. C'est bon. C'est bon. Des chrétiens qui ont dit ça. D'ailleurs, si je gagne, je t'en donne la moitié à vous la dire. Ben, démoli, hein. C'est payant pour toi, 50 000. Tu sais. Oui. Même si tu dirais juste 25 000, c'est 25 000 que tu n'as pas travaillé. Mais le but, dans le fin fond de l'histoire, c'est que c'est eux autres. Hein. C'est pour eux autres qu'ils veulent. Donc, Dieu est en train de dire ça ici. Il dit, écoutez bien. C'est la priorité, vous n'avez pas la bonne priorité. Puis je vous l'ai montré, je n'ai pas béni ce que vous avez fait. Puis dans l'Ancien Testament, c'était carrément comme ça. Mm-hmm. Okay? La Nouvelle Alliance, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, les gens, on ne fonctionne pas comme ça dans la société aujourd'hui. Dieu n'a pas dit, si au Québec, croyant ou pas croyant, si vous faites ce que je vous dis, vous allez être prospère. Parce qu'il y en a qui sont prospères, qui maudissent Dieu tous les jours. Puis il y en a qui ne sont pas prospères, puis qui bénissent Dieu tous les jours. Ça n'a plus de rapport là, dans la société d'aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est plus dans la même alliance. Hein. Mais les gens, une chose qui pourrait être certaine, c'est que les gens devraient se réaliser, dire, on cherche le bonheur, puis on ne le trouve pas. Ça, ils pourraient être aussi intelligents, on veut savoir ça. On cherche le bonheur, puis on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. L'être humain, veux-tu du bonheur? Il n'y en a pas. Puis il est toujours malheureux. Puis il est toujours en train de se plaindre, puis toujours de ramasser, puis toujours pas content. Puis... Il n'est pas. Il n'est pas. C'est parce qu'il n'est pas. Son bonheur ne dépend pas de Dieu, qui est sa priorité. Donc, il n'est jamais heureux. Il est jamais heureux. Verset 7 à 9, Dieu dit, je vais vous montrer la vraie priorité. Il leur dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. Et j'aurai de la joie. Regardez bien. Il n'a pas dit, faites-le, je vais vous bénir. Faites-le, je vais avoir de la joie. Faites-le pour ma joie, à moi. Je bâtis la maison de Dieu. Pas pour moi. Pour Dieu. Il ne faut pas penser, là, si j'allume des lampions dans l'église catholique, comme on était, là, je vais donner de l'église, de l'argent à l'église, puis ça va me rapporter un petit peu quelque chose, là. J'ai vu des chrétiens... Un pasteur qui avait enseigné sur donner une offrande au Seigneur, puis si on donnait nos offrandes au Seigneur, c'était pour bénir. Il avait prêché ce proverbe, toi, nos greniers vont regorger de mou. Il avait mis ça comme banque, compte de banque. Il y a un chrétien qui dit, Seigneur, tu vas faire ça. Il m'a pas dit ça tout de suite, là, mais il s'est dit ça, mais il va faire ça. Il s'est mis à donner son offrande à toutes les semaines, puis en donnait, puis montant. Bon, à la fin de l'année, il vient voir, tu prends ça. Il dit, je suis plus pauvre qu'au début. Mais il dit, oui, cave, tu sais pas compter. Dieu sait compter. Si tu as 5 piastres, puis tu en donnes 6, si tu es en dette d'une piastre par semaine, à la fin de l'année, tu vas avoir 52 piastres de dette. C'est, Dieu s'est compté aussi, là. Il n'a pas changé la calculatrice, lui, là. Pas donné pour la savoir, non plus. C'est ça, lui, il donnait, mais il s'est abusé lui-même. Je vais donner à Dieu, mais il va me bénir. Il faut donner parce que Dieu, il sait tout qui est parti. Et c'est vraiment, lui, il dit c'est, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié. Toi, tu vas être plus pauvre. Mais moi, je vais être plus joyeux. Parce que quand un coup je le donne, mais je ne l'ai plus. Okay? Si je le donne, je ne l'ai plus. Donc, je n'ai pas de garantie que ça va aller sur l'autre bord. Puis quand ça va aller sur l'autre bord, comment ça va prendre le temps? Comment ça va prendre de temps aller sur l'autre bord si ça ne va jamais un jour sur l'autre bord? Mais je rends Dieu joyeux. C'est intéressant de penser qu'on a le pouvoir, nous les êtres humains, de donner de la joie à Dieu. Il dit, j'aurai de la joie et je serai glorifié. Vous savez, si on avait été des extraterrestres pour s'arriver au Québec des années 60, les gens qui sont arrivés, ils auraient dit, tu n'aurais pas compris l'affaire, en arrivant dans chaque village, ils auraient dit la chose la plus importante dans le village, c'est quoi? L'église catholique et le presbytère. C'était les deux bâtisses les plus luxueuses, les plus grosses de tout le village. Tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'était ça, mais c'est ça qui se passait. Quelqu'un qui s'arrivait de l'extérieur, il aurait dit, « Wow! Ces gens-là, c'est important pour eux autres, ça, cette affaire-là. Quand on voit ça, ils vivent dans des petites maisons, puis ils gardent de gros temps qu'elle a. » C'est ça que Dieu est en train de leur dire. Comment ça que... Si on regarde, les gens vont dire, « Vous avez des grosses maisons, puis moi, j'ai juste une petite cabane pas finie, détruite. » Ils vont dire quoi? C'est ça qu'il est en train de dire, glorifier, là. Les Dieu gens. n'est pas important. Dieu n'est pas important. Vous êtes plus important. Puis là, vous allez vous en occuper juste s'il en reste. S'il en reste. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous n'avez pas fait le bon choix, là. Vous n'avez pas fait le bon choix. Et on commence toujours par se servir. C'est ça que Jésus va reprocher dans le Nouveau Testament. Il donne de l'or superflu. Ils se sont servis en premier, puis ils donnent de l'or superflu. Jésus dit dans le Nouveau Testament aussi, là, ça ne m'intéresse pas partout. La vieille a donné, elle dit, elle donne de son nécessaire. Donc elle se prive pour moi. Puis qui n'aime pas ça? Hein? Même vous autres, vous aimez ça. Quelqu'un qui se priverait pour nous autres, on dirait, waouh, je me sentirais important, tout ça. C'est ça qui est important. Parce que tu te prives pour moi. Waouh! Ça nous fait quelque chose de correct, là, cette année derrière. Mais on n'a pas. On, souvent, on ne passe pas à ce stade-là. Puis on dit, hey, comment est-ce qu'on fait ça maintenant, nous? Hein? Dieu dit, je veux que vous montiez sur la montagne et que vous bâtissiez la maison pour moi. En premier. Ensuite, vous bâtirez vos maisons. Ensuite, vous bâtirez vos maisons. Et c'est pour ça qu'ils les avaient envoyés là. Bâtissez mon temple. Je vais en tirer de la joie. Je vais être glorifié. Et je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Et nous, on voudrait qu'ils nous bénissent. Puis là, un coup qu'on était bénis, on venait apprendre un petit peu, puis donner. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Il est trop intelligent pour se laisser pogner là-dedans. Là. Nous, on se croit qu'on est correct. On se convainc qu'on est correct. Mais est-ce que c'est correct? Dieu dit, ben. Et dans sa grâce, il va continuer à bâtir son Église quand même. Il va continuer à bâtir son Église quand même. Parce qu'il ne s'attend pas à nous. Mais vous savez, Jésus l'a dit autrement dans votre semaine, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On n'a pas encore compris ça à 100%. Hein? On aime plus recevoir que donner. Et si vous alliez gagner 100 000 aujourd'hui, probablement vous nous l'aurez laissé savoir avant que la réunion commence, en grande partie. Parce qu'on s'est tout énervé. Là. Mon gars m'avait dit ça une fois. Papa, t'es plus heureux quand tu reçois un chèque et quand t'as donné. Est-ce que j'ai remarqué ça? Parce que moi, je lui ai enseigné que c'était tout le bonheur à donner comme oui. Savoir. Là, je lui ai enseigné la parole, je suis le pasteur, je savais. Mais il s'est aperçu que c'était pas tout en vrai dans ma vie. Là. Ouais. Je lui ai dit, papa, il me semble que quand tu reçois un chèque, t'es plus heureux que quand t'en donnes. Il avait raison, il avait raison. Ouais. Parce que c'est tellement pogné dans notre peau là, que le bonheur, c'est de recevoir. Mais Dieu dit non. Non, c'est me donner, je vais vous donner aussi quelque chose en retour. Qui est sa présence à lui. Là, il va combler notre bonheur. Et est-ce que le Seigneur peut nous aider à comprendre ça, que Dieu dit, la priorité dans la vie, c'est moi. Et même si vous devez vous priver, c'est moi. C'est moi. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de matériel de premier. Vous pourrez donner tout votre portefeuille, ça ne veut pas dire que Dieu va vous en donner. Mais une chose est certaine, vous allez recevoir des bénédictions spirituelles. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Comme la vie éternelle. Oui. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. La vie éternelle, la présence de Dieu. Parce que le jour qu'on a décidé de se convertir, c'est ça qu'on a pris comme décision. Si on n'a pas pris ça, on doit se poser la question si on s'est converti. Décision que Dieu, c'est la priorité de notre vie. Okay. Mais je vous garantis, moi, en tout cas, pour moi, c'était mon cas. Quand j'ai accepté le Seigneur, en tout cas, quand je pense avoir accepté le Seigneur, c'était pas moi. C'était pas moi. J'étais allé vers Dieu pour avoir quelque chose. Dans sa grâce, je continue à travailler dans ma vie jusqu'au jour que je réalise que c'était pas moi, ça marchait. Parce que la repentance, c'est ça, c'est Dieu devient la priorité de notre vie. On vit pour lui. Quand on dit à Dieu, prends ma vie, Seigneur, on chante à tout bout de choc, à tout bec. S'il a pris ma vie, il a tout pris. Hein. S'il a pris ma vie, il a tout pris. Hein. Il n'y a plus rien qui reste. Là. Il n'y a plus rien qui reste. Là. Il prend ma vie, il devient ma raison d'être, ma façon. Dans ma vie, il devient la priorité. Puis il y a des façons de le calculer, des façons de prendre des moyens pour découvrir est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai pour moi? Il y a des moyens tangibles de voir ça et de dire qu'est-ce qui. Si je vous demanderais, est-ce que c'est important pour telle personne, ça, dans sa vie, bien, vous allez pouvoir vous asseoir au côté et regarder un petit peu. Vous allez pouvoir regarder un petit peu. Moi, ce qu'il fait. Ben, dites, non, c'est pas important pour lui. Vous allez le voir. Vous allez dire, c'est pas important pour lui. C'était l'affaire. Parce que il y a des façons de voir ça. N'est-ce pas? Puis quand on dit que. Est-ce qu'on dit qu'est-ce que Dieu est la priorité de ma vie, on devrait être capable de voir ça aussi. Hein? On devrait être capable de voir ça aussi dans la vie de quelqu'un. Est-ce que Dieu est la priorité de sa vie? Donc, si on n'est pas capable de se répondre soi-même et de dire oui, il faut s'asseoir, mais il faut faire toujours attention, on peut s'abuser soi-même. La seule personne qui peut nous aider, c'est la personne de Dieu lui-même. Et dans sa grâce, il veut le faire, puis il le fait ici. Il le fait ici par le prophète Agé. Donc, nous, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, dans notre lien avec l'Église, on va pouvoir réaliser tranquillement, est-ce que ma priorité, c'est ça? Ben non, c'est pas ça. Vous allez voir par le temps que vous allez investir, par l'argent que vous allez investir, par la préoccupation d'esprit que ça va vous emmener dans votre vie. Parce que quand c'est prioritaire, on y pense. On y pense en bébête. On y réfléchit. On fait toutes sortes de plans pour que ça arrive. Ça devient une priorité dans notre vie. Là, le monde entend parler, le monde la voit. Puis ça devient une priorité dans notre vie. Et les gens qui nous regardent vivre peuvent voir, nos enfants qui sont plus proches de nous, peuvent voir si Dieu est la priorité de notre vie. Ils vont le voir. Ils sont capables de voir ça. Puis les inconvertis sont capables de voir ça aussi dans notre vie. Et donc, je crois qu'on peut s'arrêter et dire, est-ce que c'est pour moi Dieu la priorité? Et comment je peux m'évaluer? Comment je peux prier Dieu? David, il disait comment, lui? Sonde mon cœur. Et David le demande, lui, sonde mon cœur. Regarde si je ne suis pas sur la voie qui me garde, une voie qui s'éloigne de moi. L'autre verset qui dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Même chose. Donc, la façon qu'on vit, on va voir si les gens, les choses qui sont dans nos vies, c'est important. Les gens vont le ressentir, puis vont le voir. Puis Dieu, c'est la même chose aussi. Si Dieu est important, ça va se voir. Si les gens vont le ressentir, les gens vont comprendre. Donc, c'est pour ça que Dieu dit ici à ce peuple-là ce soir, arrêtez-vous, assisez-vous et considérez. Prenez le temps de vous asseoir et considérez. Considérez ce que vous êtes en train de faire. Regardez bien. Où est-ce que vous passez votre temps, votre énergie? C'est quoi vous demandez? La part du temps, pour nous autres les chrétiens qui sommes très spirituels, si on regarde qu'est-ce qu'on demande dans nos prières, ça va nous dire en grande partie. Ça va vous dire en grande partie. Vous allez voir, en grande partie, c'est pour qu'est-ce que vous priez? Donc? Qu'est-ce que ça rapporte à Dieu ce que vous demandez? Qu'est-ce que ça se passe quand vous priez? C'est-tu pour vous ou c'est pour Dieu ce que vous demandez? Cherchez-vous la joie de Dieu? Cherchons-nous la joie de Dieu? Cherchons-nous la gloire de Dieu? Ou si on est toujours en train de demander à Dieu qu'il fasse quelque chose pour nous, pour que la vie soit plus agréable? J'ai vu une fois une personne qui priait pour le salut de son mari. Puis c'était pas vrai. C'était la paix qu'elle voulait avoir dans la maison. Elle ne cherchait pas la joie de Dieu. Elle ne cherchait pas la gloire de Dieu. Elle cherchait juste à avoir la paix dans la maison. Si son mari pouvait changer. Puis sa vie serait plus facile. C'était pas pour Dieu qu'elle voulait ça, non? Même dans nos prières de salut pour quelqu'un, ça pourrait être même erroné et s'abuser soi-même. Il faut toujours que Dieu nous soit là pour nous éprouver, dans un sens, pour nous montrer que nous. Mais si nous autres même, on peut être assez sages par la grâce de Dieu et dire. Je vais faire attention parce que je peux m'abuser moi-même. Je peux m'abuser moi-même. Et juste dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi si je te suis en train de faire quelque chose qui est correct ou pas correct. Parce que c'est. Je vous ai déjà partagé, j'ai déjà lu des livres de grands hommes de Dieu qui arrivaient à la fin de leur vie. Pourtant, Dieu avait utilisé leur vie. Puis il disait, si on avait d'autres vies à vivre. on se méfierait plus de nous-mêmes. On se méfierait plus de nous-mêmes. Parce que notre tendance humaine, c'est de s'abuser, c'est de se tromper. Et si Dieu n'intervient pas dans sa vie, même pour le chrétien, si Dieu n'intervient pas dans nos vies, on va s'abuser soi-même. Comment de fois qu'on va dire, je fais ça pour le Seigneur? C'est pas vrai. C'est pour nous qu'on le fait. La preuve, si ça ne marche pas comme on veut, elle est sauvée. Mais il y a des chrétiens qui disent, je fais plus ça, moi je fais plus ça. Là. J'ai dit, je n'ai pas besoin de savoir ça. Pas besoin de savoir ça. Tu faisais ça pour le Seigneur, dis ça au Seigneur. Range-toi avec le Seigneur. Oui, pas besoin de savoir que tu arrêtes de faire de quoi, là. Pas besoin de savoir ça, moi. Dis-le à celui pour qui tu le fais. Tu le fais pour Dieu. Si toi, tu es en paix en disant à Dieu, Seigneur, j'arrête de faire ça, là. Je ne crois pas que c'est ça que tu veux que je fasse, donc j'arrête de le faire. C'est bien beau. Correct, parfait. C'est en toi pour le Seigneur, c'est pas en toi puis moi, c'est en toi pour le Seigneur. Parce que tu n'es pas en train de servir moi, tu es en train de servir l'Église, le Seigneur, je veux dire. À travers ces affaires-là, tu fais. Donc, c'est que le Seigneur puisse nous aider à comprendre que ce n'est pas... c'est juste en lui puis moi que ça se passe, c'est en premier. Là. C'est comme ça que ça se passe. Et de voir... en tout cas, la semaine prochaine, on va en avoir d'autres petites idées que Dieu va emmener à Israël, encore une fois. Parce que son but, c'est juste de le faire réaliser. Je ne suis pas ta priorité, il faut que tu changes. Oui.